Quand la roue tourne. Bien qu'elle ose à peine y croire, Faustine n'attendra pas les 3 mois usuels pour crier sur les toits son bonheur d'être enceinte. Elle exulte, elle triomphe. 10 ans, jour pour jour, après le drame qui a bouleversé sa vie, un nouvel espoir se dessine. Faustine n'est pas superstitieuse, elle a nettement moins peur que la première fois. Son instinct lui dit que tout va bien se passer. D'ailleurs, sa santé est excellente. Lors de leur passage chez la nouvelle gynéco, Madeleine Z leur a confirmé qu'en principe, il n'y avait rien à craindre par rapport à une myopathie éventuelle. En changeant de géniteur, Faustine a fait ce qu'il fallait, même si c'est un peu technique, dit ainsi. Qu'ils savourent leur bonheur en paix. Amen. Au bureau, la future maman ne pipe mot, bien entendu. Elle termine à peine sa période d'essai. Pas sûr que ses employeurs apprécieraient ce coup de jarnac. L'ironie du sort veut que ce soit son patron qui, le premier, annonce son départ prochain. Une entreprise du golf l'a débauché. Il s'envole vers d'autres aventures dont l'une consistera à vendre des bijoux fabriqués par son épouse dans les Émirats. Parmi les associés, il y a un moment de flottement. On ne sait plus si on doit garder Faustine ou pas. Finalement, l'un des gentlemen pense avoir besoin d'elle. Elle pourra analyser et compiler des données de CV pour lui et les introduire dans la base. Si le travail en soi est assez rébarbatif, Faustine trouve néanmoins assez intéressant de constater comment cela se passe dans ce domaine du placement des élites aux postes clés des multinationales, des banques et des assurances, tels des pions sur un échiquier. Finalement, ce sont des hommes comme ses patrons qui tirent les ficelles en disposant des cadres choisis aux endroits stratégiques. Mais qui tire leurs ficelles à eux? Le plus marrant, c'est que le fondateur de la société pour laquelle elle travaille est un Britannique pur clotted cream. Il fréquente même la famille royale d'Angleterre. À la maison, une fois passés les premiers enthousiasmes et l'annonce à la famille élargie du nouveau statut du jeune couple, l'adrénaline redescend. Plus si jeune que cela, d'ailleurs, le couple. Gilles, soudain conscient de la charge mentale qui pèse sur ses épaules de futur père, est en pleine mutation. Quand il ne plonge pas dans des crises d'angoisse existentielle, il développe des rêves de grandeur, prétendant se mettre à son compte alors qu'il n'en a ni les capacités ni les moyens. Devenu hypochondriaque, il se plaint sans cesse. On dirait qu'il est en compétition avec sa femme. Dans l'intimité, par contre, Gilles ignore totalement Faustine. À un moment où elle apprécierait un minimum de soutien ou au moins de tendresse. Or, il ne l'a plus touchée depuis qu'il lui a fait cet enfant. Un soir, à bout de nerfs, frustrée, inquiète pour l'avenir de son couple, Faustine fond en larmes devant Vincent. Ce dernier, compatissant, lui propose une balade au bord du lac. Quelques kilomètres de marche ne pourront que leur faire du bien. Ils parleront tranquillement. Faustine prend son manteau et suit le jeune homme, en oubliant son mouchoir comme d'habitude. Pendant la promenade, elle vide son sac. Il passe en vrac l'attitude de Gilles pendant les dernières vacances, sa propension à la dépense, son inappétence au lit, l'impression de s'être fait gruger. Ne lui avait-il pas dit qu'il en voulait un? Jusqu'à ce que, enfin, il le lui fasse, cet enfant. S'y ajoute son incapacité à s'adapter, son refus de déménager, le fait qu'il ne tienne pas compte de leur montagne de dettes, elle lui laisse tout gérer seule, sans vergogne. Cela devient d'autant plus lourd qu'elle est désormais responsable d'une nouvelle âme. Comment ne pas entrevoir ce qu'il attend devant tant d'inconséquences? Son mari ne sera jamais un soutien, bien au contraire. Il sera un enfant de plus. Et elle, pourra-t-elle tout porter sur les épaules? Pratiquement, sans doute que oui. Quant à en être heureuse, franchement, je devrais divorcer tout de suite. Je m'en sortirais mieux toute seule. Vincent compatit, mais déconseille la rupture. Il admire le couple formé par Faustine et Gilles, qu'il a toujours cru solide. Jamais il ne se serait douté de la réalité des choses. Vu de l'extérieur, rien ne transpire de ce que Faustine lui confie. Justement, ça aussi me tue, cette hypocrisie, ce paraître fallacieux. Je me sens comme un mensonge vivant à sourire, à faire semblant que tout va bien dans le meilleur des mondes, alors qu'intérieurement je crève de trouille. Je vois. Mais tu sais, Gilles est aussi mon ami. Je pense le connaître un peu, et je reste persuadée qu'il va se ressaisir. C'est un brave type, un gentil garçon. Il ne te veut certainement pas de mal. Oui, il est gentil, c'est indéniable, mais c'est un père responsable que je veux, pas un deuxième enfant. Si tu n'essayes pas encore un peu, plus tard tu regretteras sûrement de ne pas avoir persévéré. Pourquoi ne pas attendre la fin de ta grossesse? Parfois les choses s'arrangent d'elles-mêmes après la naissance. Laisse-lui encore une chance. 2 ans de marche et de partage plus tard, Faustine obtempère. Elle veut bien ramer toute seule encore quelque temps, mais il va falloir que ça change, sinon elle n'hésitera plus. De fait, les choses évoluent. La semaine suivante, ça y est, l'achat de la maison de Crissier se concrétise. Il a fallu rabattre drastiquement le prix, mais au moins Gilles n'aura plus cette épée de Damoclès sur la tête. Il se retrouve même en possession d'une petite fortune qui leur permet d'éponger toutes leurs dettes d'un coup. Faustine respire. Il ne reste plus qu'à dégraisser le portefeuille d'assurance et on repart sur de bonnes bases. Ah non, pas tout de suite, Jimmy Gilles, laisse-moi souffler. Avec toi, on n'en a jamais fini. J'ai pas du tout envie de me retrouver face à mon assureur maintenant. Le vendredi suivant, Gilles rentre du boulot avec une bonne nouvelle. Il a rencontré Baudot, un ancien collègue opticien qui a suffisamment d'économies pour ouvrir une boutique à Lausanne. Il laisse entendre qu'il recherche un associé. Gilles s'y voit déjà. L'idéal serait que Baudot le prenne sans contrepartie financière. Cela donne lieu à de nombreuses discussions entre les deux hommes. Baudot n'est pas facile à convaincre, mais finit par se laisser séduire. Il est vrai que Gilles est réellement compétent dans son domaine. Et maintenant qu'il ne boit plus, il redevient une valeur sûre. Après tout, il pourra toujours réinvestir une partie de son salaire dans l'entreprise. Les deux hommes concluent un arrangement de principe. Gilles commencera dès que son employeur actuel le laissera partir. Il ne lui reste plus qu'à démissionner. Le 2 décembre, à l'occasion de sa fête d'anniversaire, célébrée chez ses parents, Gilles leur annonce la bonne nouvelle. Son père ne la voit pas d'un très bon œil. « Ce n'est pas très loyal pour ton patron après ce qu'il a accepté à cause de ta maladie. Tu ne trouves pas ?»« Je sais, papa, mais je ne peux pas refuser cette occasion d'évoluer. J'ai donné tout ce que je pouvais à Renan. » « Maintenant, je dois aller de l'avant et m'améliorer, tu comprends ?»« Et ce Baudot, il est sérieux au moins ?»« Oui, tu peux avoir confiance. J'ai travaillé plusieurs années sous ses ordres. Il est formidable. » Cette fois encore, Faustine n'a pas dérogé à la règle bourgeoise du cadeau dispendieux. Elle a parcouru Lausanne de haut en bas pour lui trouver le bandoneon spécial anniversaire de Raymond Devos, comportant l'intégrale de ses œuvres. Elle commente. Je sais que tu en rêvais. J'ai pensé qu'ainsi on aura de quoi s'occuper quand bébé fera ses dents et nous empêchera de dormir. Puis elle profite de l'ambiance festive pour déclarer. Et cette fois, nous allons déménager. Pardon, s'exclame en cœur le cercle de famille. Oui, nous ne pouvons pas indéfiniment squatter à 4 dans notre appartement. Beaucoup trop cher et bientôt trop petit avec le bébé à venir. « Bon, bon, d'accord, » maugré Gilles, qui n'apprécie pas du tout d'être mis devant le fait accompli en présence de ses parents. « Parfait. Demain, à la première heure, j'envoie la lettre de résiliation du bail. »« Franchement, Faustine, tu m'as pris au dépourvu. Tu sais très bien que je ne voulais pas déménager. Attends un peu quand même, elle ne résilie pas le bail tant qu'on n'a rien trouvé. »« Pas d'accord. Ce soir, je demande aux autres ce qu'ils en pensent et on votera démocratiquement. Ce serait chouette qu'on trouve une jolie maison à louer à la campagne, non ?» Avec un jardin et tout et tout. Ne sois pas si pressé, peut-être qu'on pourrait voir ça l'année prochaine, quand le bébé sera né. C'est tellement pratique pour moi d'être à 3 minutes de mon boulot. Dans quelques semaines, si tu vas travailler chez Baudot au centre de Lausanne, tu prendras ta voiture. Alors, quelle différence? Faustine se dit en outre que Gilles devrait avoir compris que la plus grande récompense pour avoir arrêté de boire, ce n'est pas de mériter un loyer exorbitant, mais d'être enfin débarrassée de cette saloperie d'alcoolisme. Le soir même, elle pose le sujet sur la table devant les garçons. Dans 3 mois, on déménage. Qui est d'accord? On passe au vote. Vincent et Stéphane étant déjà acquis à l'idée, Gilles n'a plus qu'à rejoindre l'enthousiasme général. Difficile de faire autrement, à 3 contre 1. Les semaines qui suivent sont bien occupées. Gilles démissionne officiellement. Son patron lui demande simplement de rester le temps qu'on engage un remplaçant. Vu le nombre d'amateurs sur le marché, cela ne sera pas long. Tous les soirs, sa journée de travail terminée, Gilles se rend chez son ami Baudot afin de mettre au point leur future collaboration. Il se targue de ses qualités artistiques pour créer le nouveau logo de Baudot Optique. Après tout, n'a-t-il pas dessiné moult fois les sculptures de Giacometti en s'imaginant faire des autoportraits? Quel mégalo celui-là! Par intermittence, Faustine est emplie de doutes. Est-ce que cet enfant sera suffisant pour remplir sa vie si elle ne trouve pas en Gilles la complicité, la complémentarité, l'amitié dont elle rêve? Saura-t-elle vivre sans la tendresse, sans le désir de l'autre, sans faire l'amour ou rarement? Parfois, elle se prend à regretter Maxime. Il avait certes bien des défauts, mais en 13 ans de vie commune, elle n'a jamais manqué de tendresse ni de câlins lorsqu'elle le souhaitait. Cette année, c'est décidé. Le repas de Noël réunira les deux familles chez les beaux-parents. On ne se séparera que le temps nécessaire à Vincent de participer à la fête instigée par sa mère. Faustine, quand elle ne travaille pas pour Fern ou Monsieur G, donne un coup de main au magasin pour préparer les couronnes de l'Avent. Elle s'amuse beaucoup avec sa belle-mère et sa belle-sœur. C'est rigolo de jouer à la marchande, ça change. À la maison, elle confectionne des biscuits pour tous, y compris pour les fêtes de Noël du groupe Miroir et de l'Intergroupe. Leurs amis AA accueillent la nouvelle de cet enfant à venir avec enthousiasme. C'est un espoir immense, une preuve de plus que la vie repasse les plats, pour autant qu'on y mette un peu de sien. Beaucoup confient leur destinée au bon soin d'une personne supérieure. Personne ne vous demande de croire en Dieu, mais bien sûr, vous en avez le droit. Antoinette, une amie très chère, a réussi à faire venir son époux alcoolique à l'occasion d'une séance ouverte. Encore dans le déni, elle refuse de venir aux séances fermées. Elle a tellement vanté les multiples qualités de cet homme à la ronde au cours des séances précédentes qu'elle ne supporte pas ses imperfections, et encore moins qu'il se présente complètement saoul en séance. « Tolérance, tolérance !» lui susurre Faustine à l'oreille, ce qui a le don de la calmer immédiatement. Lâcher prise, accepter, tolérer est une gymnastique quotidienne non réservée aux alcooliques uniquement. Faustine, Gilles, Stéphane et Vincent fêteront aussi Noël et Nouvel An avec leurs amis, toutes religions confondues, dans les locaux de l'Intergroupe. Faustine s'est trouvée une nouvelle famille et les hommes qu'elle chérit en font partie. Elle est pas belle, la vie ?